Haïdesung Misha Teva Tonino Fernando Célio Ambrosio Le Magique Sensei Mapuya. Oh, mano, yo. Et nous rappelle pas nos souffrances et nos malheurs. Dis à ton père, tout le monde a chaud. Oh, mano, yo. Tatane Osala qui fils de malheureux n'assiste même. Tout le monde est souffré. Oh, mano, yo. Dene nini nana coquina salampote oyeba. On lit le vaillant. Ma quiz. Polo no.

soy eko yebisa yo c'est la mokolo kokufa mama obwa keli esalite eko pesa yo melesi eko tuna yo mokolo bako kunda yo tu maintenant à l'écart, toi qui comptais parmi les grandes nations? Pourquoi vis-tu maintenant à l'écart, toi qui comptais parmi les grandes nations? Tu pleurais, tu pleures toutes les nuits, personne pour te consoler, Congo, beau pays. Richesse n'aille nion se transférer, maïele si la yo bosso mi perocola. Indépendance et tcha-tcha touba kadio. Et la konini pepe azoa. 40 années à biso na biso. Passi na passi maro. Marginalisé, condamné à la pauvreté. Oh peuple de Dieu. Tcha-tcha tumba kadio. Hello konini pepe hazua. 40 années ya biso na biso. Pasi na pasi mao. Liberté d'expression, liberté d'opinion. Fongola na mono konsami koloba rien. Bamu peba miso ni pe kimbangu. Santo Michele, Zambila Bebo, Santo Yosefu, Zambila Bebo, Santo Yohanito, Inge Kizito, Zambila Bebo. Nzenze synthétique. Nazangi yo lelo bela mia he. Awa yoke natika lyo maboko pamba. Mwana mwasi yo nalinga mingyo Dimangu ta defisa ngata mwa mosolo Ona pesa baboti ya leki bijo Dimangu ta defisa ngata mwa mabele Matonga na bala mwana mwasi oyo Bolingo nangana mwana mwasi oyo Botika kukoto pasi na motema Motema nanga eme Natika lise maboko pamba bozongi saye Tika bipale mama Natika lio maboko pamba Tala mwana mwaso kitokwe luta ye mingi Mama na yalinga kate ya enanga u Onazanga nanga likonza nanga koyande Mama, yeah, yeah, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, utakala, awana muka, natikala nanga kakampu wazonga omuna, ngaya wabotu mwe salingai, pima banzo, sokyo yeko bono maite, nako wamimelanga, mimelanga, yeah, yeah, oh, Benga babale bale ki oli kolo Bangone banzeneneke ya bolingo Bumbanga na motema o amie Latanga na loketo loko la zivida Noki batindela yo sango ya mawa Banza mokolo wanato kutana ki bimeli bimeli Bibenga babale bale ki oli kolo Bangone banzeneneke ya bolingo Kumbanga na motema o amie Latanga na loketo loko la zivida Noki batindela yo sango ya mawa Hebele la eloba ki ele la kie Bemeli, bemeli ahe Bibenga babale bale ki oli kolo Bangone banzeneneke ya bolingo Kumbanga na motema o amie Latanga na loketo loko la sigida Noki batindela yo sango ya mawa Dani Takezo Misère Miserare, Osim Bakala, Henri Kamalandwa, Luxen Mousseng, Ralph Kimpiabi, Pona Manzaka, Pensuki, Bokende, chez Nathalie et Yvette, na Biotikai Nice, na Bruxelles. Et Pona Mabina, chez Donalina, Enigme, na Moonline, na Bundesse. Thierry Nathan, na Stette, grand producteur. Y a les grands, Clément Bilongo, Serge Ndondo, Guy Songo. Sensei Shule Gote Bulai Alexi Yamamoto Jipe Lutai Alpha na Foto Joel Max Makanda Dobele Samba Roger na Mokonzi Dio Zianahe Bizo Polondo Amedare Simba Dani Takezo Fiesta Makambo Sacre Pululu On a représenté Bino les grands champions Yanzi Bruno Mopepe Nakin Godé Kimani et Loutre, Tonton Edo, Bibiche, Kanika Bouikou, Na Sylvie, Banaya Dream Team, Dream Band. Thank you.